Et lui disait, vois-tu, si tous deux nous pouvions, l'âme pleine de foi, le cœur plein de rayons, ivre de douce extase et de mélancolie, rompre les mille nœuds dont la ville nous lie. Paris triste et fou, nous fuirions, nous irions quelque part, n'importe où, chercher loin des vains bruits, loin des haines jalouses, un coin où nous aurions des arbres, des pelouses. Une maison petite avec des fleurs un peu, de solitude un peu, de silence, un ciel bleu, la chanson d'un oiseau qui sur le toit se pose, de l'ombre et quel besoin avons-nous d'autre chose? Dont la ville nous lie.